Avez-vous déjà vu comme le ruisseau voyage pour atteindre la mer? Sourire figé devant l'éternité, nos pauvres petits mots défiant l'absurdité! Si c'est le seul moyen, nous déclencherons le froid pour fendre vos cœurs de pierre! Les plus belles images sont dans l'obscurité. Le mal a tué le bien en inventant les lois. Pourtant, j'aime mon père. Fermant les yeux devant la lâcheté, la mère de tous les vices n'est pas l'oisiveté. Au royaume des putains, ceux qui ont peur du roi nous jettent les premières en pierre. Un peu avant l'orage. Le poulailler désert.